Les dimanches dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulés et les djinnis sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les bases et les beaux collants sont au rendez-vous. La mariée et le marié sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les Sotarama, les Tourouni, les taxis, et les voitures, les frères, les sœurs, les badauds, les clients. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Olé! C'est le jour de mariage. Grazie. Ou à ton gars qui s'est là où l'année. Il y a un gars là pour le balou. Ou à Merci. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Grazie mille.